Salut Charline. Allez, hop, hop, les sujets. Eh bah, ben, tout le monde parle de la fessée. Ah, oui, quoi. Ah, oui. D'autant plus que je vous cache pas que de temps en temps, je vous en collerai bien une bonne de fessée. Ah, bah moi je dis pas non. Hein. Oh, le faillot. Et dans quel cas, Guillaume? Bah, si j'exagère, vraiment, vraiment. Vraiment, vraiment. Non, mais c'est noté. Voilà, on reçoit qui là aujourd'hui? Olivier de Benoît. Ah, chouette, j'adore. Ah, très bien, mais attendez, les gars, que ce soit très clair, je ne veux pas la moindre vanne misogyne. Oh, ça va. Ok, mais une petite. Non, mais si c'est une vanne sur une femme noire, comme ça on dira que c'est une blague raciste plus qu'une blague misogyne. Non, mais ça va pas, Guillaume. Mais allez, on dit sur une femme chinoise, parce que les Chinois, tout le monde s'en fout. C'est bon, on peut se raciste. Non, vous êtes des grands malades. Mais je suis désolé, c'est de la censure. Sinon, Charline, hein, la liberté d'expression, la Charlie Hebdo, l'esprit du 11 janvier. Non, moi je ne veux rien savoir. Oh là là, elle est têtue, c'est une vraie gonzesse. Espèce de sale misogyne. Oh, arrêtez de vous crêper le chignon. Les femmes et les hommes sont égaux, mais différents. D'accord. C'est scientifique. Tu sais que par jour, un homme dit 5000 mots et une femme 7000. Ah, voilà. Eh oui, sauf qu'en général, quand l'homme rentre du boulot, il a déjà fini ses 5000 mots et sa femme, en général, elle n'a pas encore commencé les 7000. Je suis désolée, mais ça, je ne peux pas laisser passer. Non, Guillaume, là, tu as exagéré, mais vraiment, vraiment. Ah bon, ah bah donc. Ah ouais, du coup, bah, tu sais ce qui t'attend. Bah oui, mais j'enlève. Non, approche-toi, approche-toi. Pardon, j'ai exagéré, Charline, et je pense que j'en mériterais bien une petite deuxième. Hey. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, vous écoutez l'émission qui gifle l'actualité et voici les trois informations à laquelle on va donner la fessée jusqu'à 18h. La rigueur allemande agace beaucoup d'Européens, les Grecs en tête, qui développent un discours germanophobe. Vous n'appréciez pas beaucoup la compagnie des Allemands, madame. Laissez-moi encore une heure pour vous convaincre que nous sommes des gens tout à fait syphilisés. Qu'est-ce qui divise la France aujourd'hui? Eh bien, c'est la fessée, faut-il l'interdire? C'est ce que nous engage à faire le Conseil de l'Europe qui s'est fâché tout rouge. Oh, et ce n'est qu'un coup de semonce. C'est le quart d'heure de gloire des voleurs à voir sa photo affichée dans le supermarché de ses méfaits. Oui, dans un Carrefour parisien, il y a un mur des voleurs. Il se croirait dans Océan 11 avec George Clooney et Al Pacino. C'est Andy Garcia par Al Pacino. Et pour faire n'importe quoi avec l'information, comme tous les jours, vous pouvez compter sur mon binôme, Alex Vizorek. Comptez sur moi, bonjour Charline, et je suis aidé de toute une équipe pour faire n'importe quoi aujourd'hui. À 17h20, celle qui a vraiment compris la théorie de la relativité en faisant tomber l'œuvre complète de Newton sur son pied droit, la scientifique de l'équipe, Nicole Ferroni. Oui, bonjour monsieur Vizorek. Bonjour, de quoi va-t-on parler? Aujourd'hui, nous allons voir l'actualité scientifique de Franck Ribéry. Ça marche bien. Programme. À 17h30, celui qui tous les jours va prendre la température du monde avec comme thermomètre son micro France Inter et Dieu sait si ça peut être douloureux. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors moi aujourd'hui, en l'absence d'André Manoukian et de Thomas VDB, je vais assurer la chronique musicale. Je vais vous parler de la chanson des Enfoirés. À vous de jouer, mais faudrait vous bouger. Voilà, rime pauvre, hein, contrairement aux interprètes de la chanson. Et à 17h40, notre Calliope, la muse de la poésie épique et de l'éloquence. Ou Calliope peut-être, je ne sais pas. Vous allez me contredire, Calliope, Calliope okay, voilà, ça va, on ne dérange pas là. Mais malheureusement, je ne suis pas le roi de Thrace, l'homme avec qui elle fit Orphée. Et donc, je tente de l'impressionner par ma connaissance pointue sur mythologie. Bonjour Clara Dupont-Moreau. Il galère énormément. Ça rame. Quand il en a la mythologie, c'est vraiment, il galère vraiment. Est-ce qu'on pourrait passer au cœur du sujet, s'il vous plaît? Clara Dupont-Moreau, vous parlerez Charles. De quoi? Merci. Je parlerai des animaux en voie d'extinction dans la littérature, comme, non pas les Alex Vizorek, mais les baleines. Ah oui, d'accord. Très bien. Nous sommes sur les réseaux asociaux. Réagissez sur Twitter avec le hashtag annule tout, Alex Vizorek veille. Mm-hmm. Et devenez aussi notre ami imaginaire sur Facebook, où vous verrez Alex Vizorek faire la sieste, car évidemment, il veille. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République, pour lui mettre un petit peu de pression. Vous êtes né sous Giscard. Vous jouez votre premier spectacle Modèle déposé de Benoît Poulvord en 2002. C'est l'année de naissance d'une grosse boîte de production qui fait dans l'humour et qui s'appelle l'UMP. Vous montez sur scène avec votre propre One Man Au Débit en 2008. C'est l'année de Back to Black, l'album de Amy Winehouse, Au Débit aussi, de boissons. Vous participez à l'émission de Ruquier, On ne demande qu'à en rire, en 2010, quand Shakira nous gratifie d'une chanson à texte intitulée Waka Waka. Et vous êtes, je vous laisse le dire avec votre jolie voix suave, vous êtes... Un homme? Non, je sais pas. Je sais pas, prouvez-le nous. Est-ce que sur les caméras... Olivier de Benoît est avec nous. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Vous êtes un des premiers à ne pas répondre à cette question. Non, qui êtes-vous ? C'est pas ça, mais j'ai trouvé ça tellement bon, ce que vous disiez, Charline, que j'en voulais plus. Oh, oh, ça, c'est gentil. Vive flatte. Viviez-vous. C'est ce que me dit, ce que me dit souvent ma femme. Ça j'en voulais plus. Il m'a mis dans sa poche. Alors, c'est une blague de Guillaume Meurice. Hein, je alors, précise, non, attendez. Mais... alors qu'Olivier de Benoît joue son spectacle... Le jour le plus long à l'occasion du 8 mars. Mais qu'est-ce qui se passe le 8 mars, que c'est le jour le plus long? Je ne comprends pas. C'est la journée de la femme. Ah, ça doit être ça. Et donc, j'ai trouvé ça élégant de la fêter le plus possible à travers ce spectacle. Le jour le plus long, c'est une conférence, en fait, pour rire, dont le thème est « La femme, pourquoi faire ?» Et oui, bah oui. Ou la femme à quoi bon, on est encore en train de rechercher le titre. Et donc il y aura des conférenciers, des spécialistes du sujet qui viendront les uns après les autres essayer de faire en sorte de savoir, de répondre à cette question au bout d'une heure et demie. Il y aura une réponse. Il y aura une réponse ou pas, ça dépend de l'intervention de chacun. Il y aura Éric Zemmour, il y aura des gens comme ça, j'imagine, des spécialistes. Non, il y aura comme spécialiste Raphaël Mesrahi notamment, qui viendra faire un point au bout de 20 minutes parce qu'il ne peut pas rester jusqu'au bout. Ah, et la conclusion sera assurée par Dominique Strauss-Kahn. Non, il y aura Chantal là-dessous, il y aura Oldelaf, il y aura Guédré, il y aura Frédéric Fromet. Oui, qui est cet homme ? Oui, il y a eu un désistement. Et notamment Anne Roumanoff, donc le jour le plus long, à quoi sert la femme ? C'est bien de remettre en question les évidences. Non, mais... parce que sans ça, on croirait toujours que la Terre est plate, n'est-ce pas ? Exactement. Contrairement à ma femme, non mais c'est vrai qu'elle... Il n'en reste pas une, Clara, non, vous c'est êtes pas surpris, ça. Mais il n'en reste pas une. Voilà, j'espère qu'on regarde, c'est vendredi, tout est permis. Oui, Une Maurice va faire un duo. Non mais j'ai trouvé que c'était drôle. En fait, non, je trouve ça drôle, c'est toujours encore le con que j'interprète, ce con qui a un regard biaisé, qui fait des déclarations maladroites sur les femmes, qui fait ce 8 mars. Je trouve ça drôle parce que c'est une journée. Il faudrait que ce soit tous les jours la journée de la femme. Voilà, je l'ai dit. Maintenant, c'est fait. Et là, c'est donc, après que ça va craindre. Allez-y. Non, mais j'ai trouvé que c'était amusant ce jour-là, voilà, de faire cette conférence avec des thèmes qui sont d'ailleurs importants. Il y a un spécialiste de la femme et la bière, un spécialiste sur est-ce que le mot femme est le plus adapté pour désigner la femme. Mm-hmm. Voilà. Oui. Et donc, c'est un spectacle unique. Ouais, y a l'histoire des femmes qu'on comptait dans l'histoire, un passage très court entre deux conférences. Alors, cela dit, pour intellectualiser la chose, vous dites qu'un spectacle comme le vôtre, c'est une preuve vivante que la parité est plus installée qu'on veut bien le dire. Et vous dites, finalement, il y a autant d'humoristes femmes qui se moquent des hommes. Oui, je pense à Nicole Ferroni. Sous prétexte que j'ai fait un sketch sur les zizi tout de suite. Oui, exactement, mais t'as pas parlé de moi. Ça compte pour la parité, ça. Oui, parce que mon sketch était trop court pour parler du tien. C'est beau, ça. On rappelle qu'on n'est pas entre amis, il y a des auditeurs qui nous écoutent. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que... Je vais reposer la question. Non, mais je réponds. En fait, oui, j'ai dit ça parce que à partir du moment où... Non, mais quand une Florence Foresti, elle a tendance à titiller la gente masculine et c'est ça qui fait rire. Effectivement, les humoristes comme la nouvelle génération, les Bérangères Crier, Camille Chamoux, etc. Je pense que ce sont certains humoristes qui une femme qui font ça et donc mais je trouve que c'est très beau. À partir du moment où les femmes se marrent autant dans la salle quand je joue, ça veut dire que finalement on peut le faire parce que la parité est suffisamment installée pour que ce soit drôle et que ce soit pas grinçant. Voilà. Vous pourriez pas faire le spectacle en Arabie Saoudite par exemple. Non, oui, ça m'amuserait pas de le faire à moins que ce soit bien payé quoi. Oui, c'est ça. Évidemment. C'est le cas. Oui, bah, vous savez les conférences à 100 000 boules. 100 000 vous savez, je peux vous donner l'agence de la bonne boîte de produits. Qui s'appelle l'UMP et qui vous enverra là-bas. Il y a aussi le DVD du spectacle Fournisseur d'excès qui est disponible à partir d'aujourd'hui. Olivier de Benoît est avec nous. Et sur Twitter, quelqu'un nous dit Olivier de Benoît vient en direct à la radio sur Annule Tout. Il ferait vraiment tout pour échapper à sa belle-mère. Quelqu'un qui vous connaît. Et qui est ce quelqu'un ? Eh bien, docteur Jojo. Gageons que ce ne soit pas son vrai nom. C'est toujours bien de citer nos pitots qui nous suivent avec le hashtag Annule Tout sur France Inter jusqu'à 18h. Donc avec Olivier de Benoît, les femmes vont morfler. Put us to down. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. To my generation. To my generation, baby. Why don't you all fade away? Try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. My generation, baby. watching what we all big sensation. Just talking about my generation. Cause we could get around. Vous allez me dire c'est qui ? Bah The Who ! My Generation sur France Inter, dans une émission préparée par Claire-Sophie Collet, David Habitant, assistée de Marie Olona à la réalisation Benjamin Riquet. Dans 20 minutes, on retrouvera le moment Meurice, bien sûr, notre envoyé très très spécial, et Alex Vizorek autour de cette table. Mais laissez-moi présenter les deux femmes qui nous accompagnent, la charmante Nicole Ferroni et l'inénarrable Clara Dupont-Menoux. Je vais vous parler de Guillaume Meurice. Et cette voix suave, c'est pour ne pas parler. Oui, Guillaume Meurice, on en a parlé. Et Olivier de Benoît, bien sûr, qui est notre invité jusqu'à 18h. Et... parité parfaite autour de cette table. Oui. 3-3. Oui, oui, parce que rappelons qu'il estime que le jour le plus long, c'est le 8 mars, c'est dimanche, au Cirque d'hiver, où il a invité Mathieu Madénian aussi, Régis Maillot, Raphaël Mesrahi, Oldelaf, Anne Roumanoff. Allez, on va commencer par une revue de presse en tandem, histoire de s'échauffer. Charline Van Macker. Non mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Parlons de la loi sur la transition énergétique. Ségolène Royal va rétablir l'interdiction des coupures d'eau qui avait été supprimée par le Sénat. Donc, rétablir une interdiction qui avait été supprimée, je ne comprends pas très bien. Mais rassurez-vous, elle non plus, elle n'avait pas compris parce qu'elle vient de changer d'avis. D'accord. Hier, elle pensait encore le contraire de ce qu'elle a décidé aujourd'hui. Ah d'accord, voilà. Attendez, mais est-ce qu'elle n'avait pas déjà changé d'avis en autorisant les feux de cheminée en Île-de-France? Si, et donc c'est plutôt une bonne nouvelle qu'elle ait changé sur les coupures d'eau. Ah oui, pour éteindre les fosses. Voilà. Ça, c'est malin. Mais c'est cohérent, oui, hein, c'est toujours cohérent. C'est ça, c'est le mot. Réfléchis bien. La cohérentitude. Voilà. Toi qu'on est dans les socialistes tête en l'air. Oui, Jacques Millard, le député, il est parti en Syrie et il est revenu tout content. Alors il a mentionné, j'ai rencontré le grand moufti Ahmad Bader al-Din Hassoun, le patriarche catholique Grégorius III et le patriarche grec orthodoxe Ignace IV Azim. Wow, ouais. Sauf que Ignace IV Azim était mort depuis 2 ans. Ah zut, oui, ça valait la peine d'aller en Syrie pour rencontrer quelqu'un de décédé. Il a prévu d'autres voyages. Oui. Oui, vu le succès de celui-ci, prévu d'aller rencontrer l'Ayatollah Khomeini en Iran pour régler le problème. Et puis, si ça marche, le conflit israélo-palestinien, une belle poignée de main entre le cheikh Yassine et Moshe Dayan. Et si c'est un succès, direction l'Indochine pour prendre le thé Ho Chi Minh. Ah oui, vaste programme. Sans transition, passons à une affaire judiciaire. Oui, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des Tibéri dans l'affaire des faux électeurs. Oh là là, mais c'est un vieux dossier ça, les faux électeurs décédés. Ils ont eu le temps de mourir 3 fois depuis. Ouais, c'est surtout dommage parce que depuis le temps, les enfants des faux électeurs décédés ont eu le temps de mourir. Et pour les Tibéri, ça faisait encore plus d'électeurs. C'est que si les électeurs de Jean Tibéri sont dans des pays en conflit, Jacques Millard est susceptible de les rencontrer. Ah, ça j'imagine. Passons au FN. Oui, Louis Nogues, un élu du Mans, a comparé l'homosexualité à la zoophilie. Ouais, c'est ridicule quand même. Alors, oui, c'est ridicule, mais pas entièrement. Parce que si un hippopotame mâle tombe amoureux d'un autre hippopotame mâle, alors cet hippopotame mâle est zoophile et homosexuel. Mais c'est vraiment un cas très très très très rare. Hein. Ouais. Beaucoup plus rare qu'un élu du FN qui dirait une grosse connerie. Oui. Et on termine par une info dont vous avez le secret. Oui, je sais que vous aimez ça. Alors, il faut que je vous présente les pensionnaires de Shinleywood Village, une maison de retraite anglaise, c'est sur le Huffington Post. Ah oui, donc c'est bien parce que vous sourcez, ça donne du crédit. Hein, je vois du crédit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont fait un calendrier, ces retraités 2015, jetez le calendrier Pirelli, et ils ont réinterprété les affiches des plus célèbres films de l'histoire. Je vous montre le mois de février, Diamant sur canapé. Elle a sacrément morflé Audrey Hepburn. Je vous conseille aussi. Je le mettrai sur Facebook parce que franchement, ça vaut la peine. Je vous conseille Star Wars. Luke Skywalker, vu son âge, il a peu de chances de retrouver son père. Et mon coup de cœur, le mois de mars, Dirty Dancing. Oh. C'est magique, Charline. Très bien, vous allez mettre ça que sur des petits Facebook. Vieux, que des petits vieux qui ont refait des affiches. C'est un cadeau pour vous. Très bien. Eh ben, je suis pas venue pour rien aujourd'hui, dites donc. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h avec Olivier Debenoît. On attache l'actualité au radiateur. Voilà. Premier sujet, la défiance envers l'Allemagne menace l'Europe. La Grèce est en pétard contre Berlin, mais aussi la Grande-Bretagne qui s'indigne de voir, attention, que le vaincu des deux guerres s'impose en maître de l'Europe. Ça va loin. Là, c'est comme si on disait que les Français sont les gentils et les Allemands sont les méchants, par exemple. Was? Und die Unschuld eines jungen deutschen Mädchens missbraucht. Ah, ja, danke schön. Petite enfante, schön. Oh, ich bin heureux, meine Tante. Meine Tantine. Voilà, François Hollande et Angela Merkel, ça peut donner la folie des grandeurs. Alors, on assiste à un schisme en Europe, hein, entre les anti-austérité et les pro-austérité, l'Allemagne et la Grèce, mais aussi pourquoi pas l'Espagne et puis toute une frange en France. Est-ce que ça vous semble de plus en plus difficile de sentir européen, Olivier Debenoît, ou vous êtes dit, de toute façon, c'était déjà pas facile avant? Moi déjà, je voulais juste dire un mot sur Angela Merkel, que je trouve formidable. Elle dirige l'Allemagne depuis 2005 et la France depuis 2008. Voilà, c'était ma seule vanne. J'avais préparé. Spécialiste en géopolitique. Non, mais c'est une vanne pleine de sens parce que c'était un peu vrai quand même. Ah oui, donc, complètement. Je pense simplement que. Non, mais c'est vrai que l'Europe, ça veut plus rien dire. L'Europe, elle. Mais ça, pour moi, je dirais un truc qu'a dit Fabius il y a quelques années, c'est que ça fait quand même 70 ans qu'on n'a pas eu de guerre en Europe. Et s'il n'y avait pas eu l'Europe, je pense qu'on serait mis sur la gueule depuis longtemps. Donc moi, je vois le verre à moitié plein. Et je me dis juste que mon père, qui est de 45, n'a jamais connu la guerre. Sauf la guerre en Algérie, mais déjà en métropole, jamais. Donc, je dis que c'est une grande victoire quand même. Votre père est né en 45. En 1945. Pas très courageux, hein. Excusez-moi, mais. c'est drôle. C'est pas aussi ça. Merci. Il y a une double page dans Libération aujourd'hui, un article de Jean Quatremer qui explique qu'il y a vraiment finalement aussi, ça peut s'expliquer par un fossé culturel. Les Allemands qui raisonnent par la règle et les Anglo-Saxons qui sont plus pragmatiques. Explication qui paraît un peu facile, mais pour les Allemands, la règle, c'est la règle, et quand ils se rendent compte que les autres ne respectent pas le traité, eh ben, c'est la méfiance. Est-ce que ça vous semble un peu simpliste, ou vraiment sous-jacent, il y a vraiment ces cultures est-ce que vous, par exemple, vous sentez très très très latin, et vous avez du mal à comprendre les Allemands ou... Non, mais je peux comprendre qu'on a un petit souci de mentalité, je comprends. Mm-hmm. Il y en a qui sont plus rigoureux que d'autres, et voilà, mais c'est beau l'Europe, non? Bah oui, évidemment. Et oui. Alex Vizorek, vous qui avez vécu moi, j'ai vécu en Allemagne, je vous raconte une histoire, c'est-à-dire qu'il y a des feux rouges pour les piétons, comme chez nous. C'est une bonne histoire. J'ai failli en parler. Vas-y, dis. Et donc, quand il n'y a aucune voiture... Nicole Ferroni vient d'intervenir. Hein, quand il n'y a aucune voiture sur vraiment un grand boulevard, mais vous pouvez regarder très loin à gauche, très loin à droite, il n'y a pas de voiture, les Allemands ne traversent pas au rouge. Exactement. Si le piéton est rouge, et ben moi, je me suis fait engueuler par un piéton parce que j'ai traversé au rouge. Et donc, en c'est dire s'ils aiment bien les règles quand même, mais après, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Il y a beaucoup moins de gens écrasés, fatalement, dans ces conditions. C'est pas parce qu'ils sont un petit peu cons, non? Finalement. Vous voyez, tout de suite l'anarchie. Je pose la question. Non, il y avait la réponse dedans. En même temps, il y a Alexis Tsipras qui a ouvert les hostilités, parce que dès son élection, il a tout de suite exigé que l'Allemagne paie les dédommagements de la guerre à la Grèce, dédommagements subis entre 1941 et 1944. Et en plus, il a traversé au rouge. Et ce qu'il n'y a pas aussi, et puis sans compter, le gouvernement allemand a râlé après la publication de dessins qui montraient quand même Angela Merkel en Hitler du 21e siècle. Est-ce qu'il n'y a pas une germanophobie un peu primaire aussi? C'est facile finalement en fait, de désinguer l'Allemagne. L'Allemagne est la première de classe. On en veut toujours au premier de classe parce qu'il a du pognon. Et les autres, c'est la créancière. Donc ils tapent sur la banque. Mais je veux dire, c'est pas de la faute de l'Allemagne si elle est plus douée que les autres. Donc voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas se demander comment fait l'Allemagne pour être meilleure? C'est-à-dire qu'ils ont créé l'Europe grâce à l'Allemagne. Et la base de l'Europe, c'est l'Allemagne. Donc en fait, ils ont fait Europe à leur main. Je ne dirais pas ça non plus, Guillaume Meurice. Non, c'est quand même une alliance de plusieurs pays. Oui, mais je le dis. Vérifiez. Vérifiez revisiter, revisiter votre histoire. En tout cas, tenez, on peut peut-être conclure avec cette phrase de Daniel Cohn-Bendit, qui, il y a deux semaines dans Libération, expliquait, c'est son interprétation, hein, que les Allemands sont persuadés d'avoir reconstruit seuls leur pays, et la Grèce, elle est persuadée qu'elle est victime de l'histoire des Ottomans, des Turcs, des Allemands, et maintenant de l'Europe. Voilà, c'est sur cette phrase de Daniel Cohn-Bendit que je passe la parole à Nicole Ferroni, l'autre scientifique. Oui. Ah bah c'est bien gentil. Oui, moi, pardon, je voulais revenir aujourd'hui sur le séisme footballistique qui secoue la France, hein, depuis avant-hier, puisque vous le savez, Franck Ribéry a annoncé lors d'une interview sur beIN Sport qu'il prenait sa retraite vis-à-vis de l'équipe de France, et il a précisé, je cite, « avoir tourné la page avec les Bleus ». Et donc, la question à laquelle moi j'avais envie de répondre aujourd'hui, c'est est-ce que scientifiquement parlant, c'est une bonne idée pour Ribéry de tourner cette page avec les Bleus ou pas ? À savoir, est-ce que l'impact physiologique de ce tournage de page lui sera bénéfique ? Alors, dans un premier temps, je me suis dit oui, bien sûr, puisque quand on regarde les causes, hein, qui ont initié ce tournage de page, donc pour rappel, l'histoire a commencé cet été lors du Mondial 2014, où Franck Ribéry avait été contraint de se déclarer forfait suite à une lombalgie aiguë. Et suite à cet incident, il a déclaré, je cite, « j'ai senti que je n'avais pas de soutien derrière moi ». Or, quel est le lien entre lombalgie et soutien ? Une lombalgie est un mal de dos qui touche les vertèbres lombaires de la colonne vertébrale. Dans la colonne vertébrale, on a du cul au cou, pas du cou au cul, hein, du cul au cou. Ouais. D'abord le coccyx, formé par 5 vertèbres coccygènes, surmontées de 5 vertèbres appelées vertèbres sacrées, aussi appelées sacrées vertèbres. Pourquoi ? Parce qu'elles sont un petit peu coquines, logées au niveau du fessier, mais aussi logées juste au-dessous des fameuses vertèbres lombaires, qui correspondent au bas du dos, d'où rayonne la douleur en cas de lombalgie. Et viennent ensuite les 12 vertèbres dorsales et les 7 cervicales qui forment le cou. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la lombalgie est un mal qui touche le squelette. Le squelette, c'est l'incarnation même du soutien du corps. C'est la charpente qui porte le corps. Et là, c'est l'axe principal, dont la fameuse colonne vertébrale, qui est touchée en sa base. D'où le fait que Ribéry se sent fragile, ébranlé, pas par Zaya, mais par la situation. Oh. Et c'est pour ça qu'il aurait aimé que ses collègues prennent le relais de sa colonne. Surtout qu'il se peut que l'attitude des mâles dans le vestiaire ait créé le mal dans les vertèbres. Peut-être qu'à force de lui casser du sucre sur le dos a cédé. Peut-être que des critiques de ses collègues, il en a eu plein le dos. Et c'est en ça que, pour moi, Franck Ribéry a eu une bonne idée de tourner la page avec les Bleus. Maintenant, est-ce la meilleure idée ? Je crois que non. Parce que tourner la page avec les Bleus, est-ce que c'est pas un peu occulter ces Bleus, justement, c'est-à-dire ces hématomes à l'âme, ces bobos du cœur ? Car oui, dans tout joueur de foot, il y a un cœur, certes, caché sous les sponsors et les millions d'euros, mais un petit cœur qui bat et qui souffre. Et vouloir passer outre la souffrance, ce n'est pas la traiter. Occulter, ce n'est pas soigner. Et donc, tourner la page des Bleus, ce n'est pas cicatriser de ces Bleus, de ces blessures qui nous marquent. Or, que nous apprend l'université d'Auckland dans un article que vous pourrez retrouver dans le magazine Psychologie du mois de janvier, concernant le processus de cicatrisation, c'est qu'il y a une chose gratuite, simple, à la portée de tous, qui favorise grandement la cicatrisation, et cette chose, c'est l'écriture. Ce qui pourrait expliquer qu'ici dans le studio, nous ayons tous bien cicatrisé de notre acné juvénile. Et donc, quelle est l'expérience qui a été réalisée dans cette université ? Oui, tout à fait. C'est que les chercheurs ont pratiqué chez des volontaires une légère incision au niveau du bras. Ils ont ensuite invité une partie de ces volontaires à écrire quotidiennement leurs pensées, alors que l'autre partie non. Et résultat, 11 jours plus tard, on constate que 76% des personnes du groupe d'écrivains ont bien cicatrisé, tandis que la même coupure pratiquée chez les personnes n'ayant pas suivi le programme d'écriture n'était guérie que dans 42% des cas. Alors je sais que des gens vont me dire, oui mais Nicole, c'est pas gentil cette proposition, parce que vu comment il parle Ribéry, on n'est pas sûr qu'il sache écrire. Il y a donc de fortes chances pour qu'il n'arrive jamais à cicatriser de toutes ces blessures. Pas d'inquiétude, puisque l'article précise bien que l'orthographe a peu d'importance. Non, ce qui est important, c'est vraiment la teneur personnelle des propos que vous allez coucher sur le papier, en sachant que 15-20 minutes par jour, ça suffit. Les mots peuvent guérir, les mots MAUX. Alors pourquoi ? Parce qu'en posant ces tensions sur le papier, la personne diminue son état de stress, du coup diminue la production de l'hormone du stress, le cortisol, qui habituellement est néfaste au processus de cicatrisation. Et donc, par cette simple découverte, je pense qu'on espère qu'on va gagner, comme dirait Ribéry, à trouver les moyens en nous de remédier à nos propres blessures. Et donc, pour Ribéry, le plus judicieux, ce ne serait pas donc de tourner la page des Bleus, mais bien de l'écrire. Merci, Nicole. La chute vient de très loin. Tout ça pour nous dire que Ribéry avait mal cicatrisé. Je vais vous dire, ça se voyait quand même entre nous. Merci pour cette chronique. On est ensemble jusqu'à 18h avec Olivier de Benoît, avec Clara Dupont-Mono, Guillaume Meurice, Alex Vizorek. On va parler de la fessée, de la gifle. Ah, et de la journée de la femme. Mais attention, vous êtes sur France Inter. Valérie s'ennuyait dans les bras de Nicolas. Mais Les Rita Mitsouko, les histoires d'A sur France Inter dans Si tu écoutes, j'annule tout. Et nous sommes en compagnie d'Olivier de Benoît, votre spectacle fournisseur d'excès. Il est en tournée jusqu'au 22 mai. Vous serez le 14 mars à Plougastel. Oh, voilà. J'ai des fraises. Et le 2 avril à Aix-en-Provence ou le 3 avril à Charleroi-en-Champagne. Voilà. Vous pouvez faire un petit tour de France des régions et puis vous ramener plein de trucs. Et je reviens ici. Vous êtes gourmand, je crois. C'est vendu. Un petit peu le Jean-Pierre Pernaut de la blague. Exactement. À cette heure-ci sur France Inter, ne faites pas trop le malin, Guillaume Meurice, parce que c'est à vous. Ah oui, c'est à moi. Et vous allez nous montrer cette facette que vous développez dans cette émission depuis le mois de septembre, c'est-à-dire le comique d'investigation. Grâce à l'humour, Guillaume Meurice résout bien des conflits, explique bien des choses. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une polémique, la polémique du moment, la chanson des Enfoirés. Les Restos du Cœur, hein, je veux dire, parce que bon, des Enfoirés, il y en a beaucoup. Donc, ce n'est pas une chanson chantée par les actionnaires de Sanofi. Non, c'est une chanson caritative, une chanson qui incite les gens à se bouger, et les jeunes surtout. Extrait. Vous aviez tout. Voilà, hein, une musique entraînante, des paroles pondérées. Tout ce qu'on a, il a fallu le gagner, chante par exemple Zazie, de son vrai nom Isabelle Marianne de Truchy de Varennes. Un peu plus loin dans la chanson, on peut entendre « J'en vis tellement ta jeunesse » chanté par Jean-Baptiste Monnier, 24 ans, hein, le chanteur du film Les Choristes. Plein de beaux messages qui incitent les jeunes branleurs à se prendre en main, même si j'ai bien conscience que cette phrase est un contresens. Bon, il faut le reconnaître, le jeune a tendance à être une grosse feignasse, le jeune a tendance à préférer manger gratos au Resto du Cœur que manger dans un 4 étoiles avec Gérard Jugnot. Le jeune est comme ça, ingrat, en un seul mot, hein, je parle du jeune, pas de Gérard Jugnot. D'ailleurs, j'ai appelé un centre des Restos du Cœur d'une des villes les plus jeunes de France, Besançon. Dans les jeunes qu'on a, il y en a aussi qui sont demandeurs d'asile, qui n'ont pas de papier, qui ne peuvent pas travailler de toute façon. Ouais, mais ils sont jeunes. Et ils sont jeunes, oui, mais tant qu'ils n'ont pas de papier régularisé, théoriquement, ils ne peuvent pas travailler. Oui, mais la chanson, elle dit que ce n'est pas grave, l'important, c'est d'être jeune. C'est difficile. En tout cas, Patrick Fiori, il dit que les jeunes, ils ne se bougent pas. Oui, mais Patrick Fiori, c'est dans la chanson, ça. Ben oui. Est-ce qu'on peut faire confiance à Patrick Fiori? C'est ça, la question. Est-ce qu'on peut faire confiance à des chansons d'une façon générale? Ah bah oui, oui, oui, on va pas commencer à remettre en cause des chansons. Quand Patrick Fiori chantait « Que tu reviennes, je ne m'y attends plus », bah c'était bien vu, il parlait de son public. Hein, c'était plutôt visionnaire. Donc arrêtons de dénigrer comme ça à tout va. Les jeunes doivent se bouger, c'est tout. À ce propos, j'ai appelé un foyer de jeunes en difficulté en région parisienne. Est-ce que dans votre foyer, il y a des jeunes qui se bougent un peu ou pas? Dans quel sens? Bah je sais pas, parce que Matt Pokora, il dit qu'ils ont qu'à se bouger, les jeunes. Moi, je trouve qu'ils bougent, ils font ce qu'ils peuvent, et c'est pas forcément facile pour eux. Mais il faut pas qu'ils se plaignent de leur situation, parce qu'ils sont jeunes. Leur plus gros souci, c'est de trouver un logement à la sortie, par rapport au montant du salaire qu'ils ont. Ou après. Dites-leur qu'ils ont de la chance parce qu'ils sont jeunes. S'ils ont pas de logement, c'est pas grave. S'ils ont pas de travail, c'est pas grave. Ils sont jeunes. Non, on peut pas dire ça. Mais si, si, on peut le dire. Mimi Mathy, elle le dit. Alors arrêtons de remettre en cause sa parole. Quand on critique Gad Elmaleh, c'est de l'antisémitisme. Quand on critique Mimi Mathy, c'est de la nanophobie. Il faut le dire, voilà. Bon, il me fallait des gens qui défendent les riches contre les pauvres, les vieux contre les jeunes. J'ai donc appelé le MEDEF d'un département où on trouve également beaucoup, beaucoup de jeunes, les Côtes d'Armor. Alors je m'attendais à ce que son secrétaire général, Emmanuel Maigret, fustige les feignasses, mais... Tout le monde doit se sentir responsable des autres, quoi. C'est ça, la fraternité qui est une des trois valeurs de la République. Hein. Et c'est là qu'on se rend compte que le MEDEF est plus à gauche que Maxime Le Forestier, par exemple. Ben, je sais pas, écoutez, nous, on est au MEDEF des Côtes d'Armor et France Inter le sait bien. Hein. On est devenus quand même les champions MEDEFiens du clip. Des champions MEDEFiens du clip? Mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr. Il y a quelques mois, le MEDEF des Côtes d'Armor a sorti une chanson absolument magnifique pour vilipender la politique bolchévique de Hollande. C'est juste. Extrait. Ouais, ouais, ouais. Monsieur le Président, volonté et action. La productivité dans mon secteur public est une nécessité absolument critique. Notre combat, c'est l'emploi. Honneur, entrepreneur, l'emploi, c'est l'entreprise. L'entreprise, c'est la vie, c'est la vie. L'entreprise, c'est la vie. Vous la connaissez par cœur, vous la chantez. Je la connaissais par cœur, j'adore, c'est sublime. Vous avez vu, à toutes ces voix à l'unisson, j'en ai des frissons. Enfin, à moins que ce ne soit la clim du studio qui soit mal réglée, mais à mon avis, Dédé aurait été là, il aurait mis de la transpiration de moustache partout. Retournons voir Emmanuel Maigret. Qui a écrit ce chef-d'œuvre? De quoi, le chef-d'œuvre? Oui. Eh bien, c'est lui qui vous parle de l'emploi des jeunes. C'est vous ? Oui, oui, bien sûr. Moi, j'ai adoré, en tout cas. Oui, oui, c'est vrai. La musique, on dirait du Bézu, et les paroles, on dirait du Michel Sardou. Ah bon ? Ah bah écoutez, voilà, bah, je vais proposer à Michel Sardou mes compétences. Mais oui, et à Martin Scorsese aussi pour la réalisation oui. et le jeu d'acteur. Le clip est absolument époustouflant également. Allez le voir sur Internet. Alors, j'ai pas reconnu hein, tous les acteurs, mais il me semble qu'il y a Leonardo DiCaprio, Nicole Kidman, n'est-ce pas, Manu ? Les chefs d'entreprise étaient très contents de s'amuser en militant, quoi. Donc... Ah, mais c'était des chefs d'entreprise, c'était pas des acteurs ? Ah non, c'était des chefs d'entreprise que vous avez vu, bien sûr, des vrais. Oui, ah, bah, ils jouent super bien la comédie. Ah oui, oui, non, c'était des vrais patrons, bien sûr. Ah bah oui, oui, oui, tout à fait. Moi, je trouve qu'ils ont le rythme, ils ont le rythme dans la peau. On avait une centaine de chefs d'entreprise cet après-midi-là pour tourner le clip. Ah ouais, c'était bien. Bah, c'était pas juste bien, c'était absolument splendide. Le ton et le tempo étaient parfaits, tout comme la chanson des Enfoirés, dont je le rappelle, le rythme est donné par Coluche, qui se retourne dans sa tombe à chaque fois qu'il les entend chanter. Merci Guillaume Meurice. Avec aujourd'hui à la technique Loïc Frappsau, c'est Hélène Langlois, vous êtes sur France Inter. Olivier de Benoît, voyez l'enquête par l'humour. Ah, ça fait sens. Ça, c'est du journalisme. Ça. Vous n'étiez pas disponible pour la chanson des Enfoirés non, mais on ne me l'a pas proposé. Non, je dirais juste une chose, c'est que Goldman, je ne connais pas Goldman, je ne connais pas tout ça, mais je dis juste que le mec passe pas mal de temps bénévolement pour tout ça. Pas il s'est écrire planté, des chansons, peut-être. A priori. Non, mais il s'est planté, cette chanson. À partir du moment où tu as besoin d'expliquer une chanson, c'est qu'elle est mauvaise. Donc, à mon avis, elle est mauvaise. Juste, c'est que le mec, il passe pas mal de temps gratos pour les Enfoirés. Donc, juste pour ça, c'est plutôt cool. Et un peu à côté de la plaque, quand même. Il faudrait peut-être qu'il se reconnecte. Parce que c'est quand même l'homme préféré des Français. Donc, il faudrait peut-être qu'il se reconnecte à la chanson. Mauvaise, mais, pas, mais le gars est formidable. Et pas la cause non plus. Allez, avec vous, on va aborder le deuxième sujet de cette émission. Le Conseil de l'Europe doit rendre un avis demain sur la fessée en France. Mais l'avis a déjà fuité. L'institution juge que le droit français ne prévoit pas d'interdiction suffisamment claire et contraignante et précise des châtiments corporels, on dirait une injonction allemande, parce que la fessée, c'est mal, c'est très très mal, c'est très mal. C'est comme ça. Un serpent en cucu. On va faire chantant sur le gros cucu. Oh, c'est méchant. Oh, je suis pas contente. Oh non, je suis pas contente. Aïe. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Oh, ah non, au secours. Ah, oh, oh, ah, ah, ah. Non, on va se faire punir. Hein, on va prendre un coup de fouet sur ton petit cul. Hein, petite pute. Non, mais c'est ça que Clara dit pour Monet, ne faites pas cette tête. Oui, mais attendez, c'est vos archives perso, ça, Charlène, non ? Alors, je rappelle, non, c'est un extrait de Working Girl, un extrait d'une... Laurence Arnay. Voilà, sur Canal+. Très drôle. Alors, sachez, attention, que l'histoire de la fessée et le débat qui divise la France terriblement aujourd'hui, c'est pas sur les adultes. Hein. Les adultes, vous pouvez continuer à vous donner des fessées. C'est sur les enfants. Voilà, tout le monde est soulagé autour de cette table. Jean-Jacques Rousseau a connu sa première érection alors qu'il était enfant, il le raconte dans Les Confessions, alors qu'il prend une monumentale fessée. Quel âge ? Il était moins de 10 ans, il le dit dans Les Confessions, ah bon, il était enfant, une servante lui met une énorme fessée, ah, voyez, et il a sa première érection. C'est un sujet culturel. Jean Cocteau a toujours dit, un homme qui a une érection lors d'une fessée ne peut pas être complètement mauvais. Ah, voilà, Jean-Jacques Rousseau. Voilà. Et c'est bien de lancer le débat sous cet angle-là, Clara Dupont-Mono, parce que Olivier de Benoît va être très à l'aise pour répondre. Est-ce qu'on peut surélever la table? la fessée est considérée comme alors châtiment corporel ou violence physique. Et vous êtes, quand vous étiez petit, vous avez reçu des fessées de temps en temps. Moi, j'ai un souvenir ou deux de fessées. C'est de là à dire châtiment corporel ou violence physique. C'est... Vous êtes père, Olivier. Ouais, moi, je suis père. Moi, je donne pas de fessées du tout. Je ne donne pas de fessées du tout. Juste des grosses baffes. Pas de gifles, pas de fessées, rien. C'est-à-dire que vous retenez votre main. Vous avez des fois envie. Non, mais je trouve honnêtement, je tape sur la main. Je trouve que c'est suffisant. Ouais, ouais, ouais. Mais par contre, moi, en tant qu'adulte, c'est vrai que, à propos, même si les fessées entre adultes sont autorisées, c'est vrai que en ce moment, on n'arrête pas de me comparer à 50 nuances de Grey. Je sais pas si vous trouvez que je Christian ressemble. Christian Grey. Ouais, j'ai tourné les quelques scènes, j'ai fait la doublure. Ah oui. Mais Nicole, tu le sais d'ailleurs. Mais là, il y a une forme d'harmonisation européenne, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que la France, la Belgique et quelques autres pays, pas beaucoup, notamment l'Italie. Qui l'autorise encore. Donc là, c'est aussi l'Europe, c'est aussi une facette de l'Europe. Une fessette de l'Europe. Une fessette. Oui, moi, je pense, est-ce qu'on ne pourrait pas réglementer plutôt la fessée, c'est-à-dire l'autoriser, mais donner des règles de force, de direction, de. Oui, voilà, ça, c'est une européen, idée. C'est vrai, c'est vrai. Surtout que vous avez été professeur, parce que donner la fessée à ses enfants, moi, je pense qu'on peut l'autoriser, mais quand ce n'est pas les siens, en tant que prof, avant, ça se fait. Ah, ça ne se fait pas, ça, par contre. Voilà. Il y a les politiques ont dû réagir, parce que vous savez, les politiques s'expriment toute la journée sur tous les sujets, sur toutes les chaînes. C'est ça qui est merveilleux dans ce pays. Oui, voilà, on ne reçoit pas de politique, nous, pour l'instant. En tout cas. Et Pierre Laurent, le leader, peut tomber sur le cul ce débat sur la fessée. Non, mais surtout, et donc, si ce débat permet de faire des bonnes vannes, c'est quand même bien. C'est l'idée d'avoir recours à la loi. On est quand même dans un registre privé, familial. C'est quand même bizarre d'avoir sans arrêt recours à une loi mais surtout pour aller réglementer. Et pour une fois, ça, c'est pas la France qui la demande, parce qu'en matière de loi, c'est quand même... Moi, je suis choqué, par exemple, quand dans la rue, je vois un parent qui donne une fessée, qui corrige son enfant. Je suis toujours noué, j'ai envie de prendre le... Quoi, ça m'arrive rarement, mais... C'est en public, mais s'il le fait chez lui... Honnêtement, je sais pas si quelqu'un connaît la vertu de la fessée, j'y crois absolument pas. Quoi. Je sais pas, en étant violent, qu'on calme, l'adulte calme ses propres nerfs, mais pas ceux des... Il calme pas son enfant, il se calme lui-même. Donc c'est ça, c'est cette violence-là. Et oui. C'est joli, non ? C'est joli. J'ai l'impression que je suis pas dans la bonne émission. Où est Ruffo ? C'est vraiment un pédopsychiatre. Ouais. C'est la sagesse, vous voyez ? C'est la sagesse d'Olivier de Benoît. On croit comme ça, il dit des phrases comme « Non, les Jeux paralympiques sont finis depuis longtemps. Ce que vous avez dû voir, c'est du football féminin. » Et en même temps, il est capable de c'est prendre drôle. De la hauteur et de la sagesse. Comme Clara Dupont-Mono qui, à cette heure-ci, sur France Inter, grimpe sur son échelle pour aller dans les étages supérieurs de sa bibliothèque et nous parler de littérature. Mais oui, Charline, car l'actualité, c'est aussi cette nouvelle assez consternante qui est passée un peu inaperçue, il faut le dire, alors que c'est un drame. Il reste dans le monde 5 rhinocéros blancs, car cette espèce a été décimée par les guerres et par les braconniers. Et donc le dernier mâle rhinocéros, il a 43 ans, il se trouve actuellement au Kenya, et vu son âge, il ne peut plus se reproduire, sa semence n'est plus assez performante, contrairement à d'autres. Quand on sait que le rhinocéros se trouve sur Terre depuis 26 millions d'années, avouez que ça fait quand même un peu mal au cœur. Alors, seule consolation, les espèces en voie de disparition, comme le rhinocéros, auront toujours, toujours une petite place, un petit refuge dans la littérature. Parce que les livres adorent les grosses bestioles promises à l'oubli. Et j'en veux pour preuve un livre, mais qui est passionnant, qui vient de sortir, qui s'appelle « La baleine dans tous ses états ». Il est signé François Garde. Alors, François Garde, c'est un énarque qui a de l'humour et de la sensibilité. En parlant d'espèces rares. C'est rare. Voilà, exactement. C'est donc une espèce rare qui parle de notre espèce rare, qui est donc la baleine. Et sachez que ce haut fonctionnaire a occupé des postes, des métiers, dont rien que le nom fait complètement rêver. Il a été, par exemple, administrateur des terres australes et antarctiques. C'est merveilleux comme intitulé. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis administrateur des terres australes et antarctiques. Moi, ça ne doit pas prendre toute la journée non plus, j'imagine. Que ah ben si, parce qu'il les arpente, il faut y aller, il les gère, etc. Et donc, Alex Vizorek, alors pitié, inventez-vous un pédigré de ce genre. Dites-moi que vous avez tenu un comptoir des épices en plein Congo, voilà, ça vous pose un homme. Une baraque à frites. Oui, si vous voulez, alors en plein Congo, je ne suis pas sûre. Alors, ça marchait pas bien. Du temps des colonies, oui. Alors, François Garde prévient tout de suite, il dit, a priori, l'homme et la baleine ne se fréquentent pas. Leurs rencontres sont hantées par la mort, baleines échouées ou scènes de chasse, de dépeçage dans des flots de sang, où elles se réduisent à des éclats fugitifs. Et c'est vrai qu'une baleine, ça s'aperçoit. On voit une nageoire, on voit une ombre, on voit un énorme remous. On la voit rarement en entier. Et je cite encore, « La baleine vit et meurt à la marge de notre monde. » Donc, on peut être énorme et invisible. Eh bien, c'est oui. C'est ma femme. Eh ben, voilà. Exactement. Notez que je n'ai volontairement, j'ai pas fait de vanne de perte de signification. Mais vous le faites très bien tout seul. C'est bien qu'on parle de moi dans ce truc. Je rappelle que la baleine est l'animal le plus gros du monde. Sa langue pèse 3 tonnes. Son cœur pèse 600 kilos. C'est pas vrai. Son pénis peut dépasser 2 mètres. Et chacun de ses testicules pèse 50 kilos. François Garde le rappelle. Eh bien, c'était malgré énorme. Ce... C'est plus que celle de l'âme, selon son tweet. Beaucoup plus. Malgré ce, vous pouvez aller revoir le tweet de l'âme à propos de... De la chanson des enfoirés. Voilà, c'est ça. Clara, continue, malgré ne vous laissez pas interrompre. Malgré ce gigantisme, on la devine seulement, la baleine. Donc ça, c'est une première prouesse. Mais, seconde prouesse, malgré ce gigantisme, elle avance dans l'eau avec grâce. Donc là, il y a un mystère. Pourquoi ? Mais parce que le livre l'explique. La baleine ne flotte pas. Elle n'avance pas avec un mouvement de pagaie, comme le poisson. Non, elle prend appui sur l'eau comme l'hirondelle sur la couche d'air. Elle se cambre, elle se détend comme fait le manchot. Elle ondule. Elle ondule et c'est ce qui explique ses cabrioles, ses sauts hors de l'eau, alors que son poids, a priori, défie toute mesure. Donc, conclusion de François Garde, il dit « Elle bondit, elle oublie un instant ses tonnes qui l'affligent, elle se rêve l'égale d'un oiseau. » Eh bien, cette phrase, elle est valable aussi pour l'écrivain. L'écrivain, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il écrit « Pour oublier ses tonnes qui l'affligent et se rêver l'égal d'un oiseau ». D'ailleurs, Moby Dick d'Herman Melville, « Le vieil homme et la mer » d'Ernest Hemingway, qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte un homme qui traque et qui poursuit un cétacé énorme, et qui, exactement comme on poursuit un idéal. On dit traquer un idéal, poursuivre un poisson. Voilà. Et bien, c'est cet idéal de calme, de souplesse et d'innocence que l'homme, en général, il a souvent perdu. En parlant de calme, en 1977, les ingénieurs de la NASA ont envoyé une sonde dans l'espace qui diffusait un son échantillon de notre Terre au cas où un extraterrestre aurait voulu rentrer en contact avec nous. Ah oui. Et ben voilà, au c'est cas prévoyant où, en tout au cas où il avait un RTT, le extraterrestre, il s'est dit je vais aller voir à quoi ressemble la Terre. Et bien c'était quoi ce son ? Lara Fabian. C'est le chant d'une baleine. Ah pardon, oh, c'est merveilleux. Ça ressemble un peu. Ah mais écoutez, moi j'adore ça. Oh, c'est bon. Mais c'est formidable. Ouais. Et c'est perçu comme un hymne de paix. Alors, c'est sûr que pour rassurer un extraterrestre, il valait mieux ça que le hurlement d'un loup ou le cri d'une oie furieuse. Ouais. Pour mettre en confiance, c'est sûr. Notez qu'ils ne sont pas venus quand même. Ils ne sont pas venus quand même, c'est vrai. Non, mais surtout, on ne sait pas. Ça se trouve, ils n'ont pas les mêmes codes que nous, les extraterrestres. Voilà, ça se trouve, ça veut dire va te faire enculer en extraterrestre qu'on vient d'entendre. C'est possible. En tout cas, on va dire que c'est parti d'un postulat qui était que la baleine est quand même entourée de vertus positives, qu'elle est ambassadrice d'une forme de tranquillité. La baleine, je vous rappelle, n'a pas de crocs, pas de griffes, pas de venin, son corps est tout rond. Et demande François Garde, ne dit-on pas rire comme une baleine ? Et oui, et c'est mieux que rire comme une hyène, avouez. C'est vrai. Et quand on entre en elle, comme Jonas, comme Pinocchio, comment on en ressort ? Accompli. La baleine, elle recrache Jonas et il devient prophète. La baleine recrache Pinocchio et il devient petit garçon. Il devient petit garçon. Voilà pourquoi, explique François Garde, la chasse à la baleine soulève autant d'indignation aujourd'hui. Plus que les braconnages en Afrique centrale, plus que le commerce d'ivoire, plus aussi que les rhinocéros blancs. Je cite « Le destin des cétacés nous conduit à une sourde nostalgie ». Et c'est vrai, c'est la nostalgie de l'espace utérin, de la légèreté dans le liquide, du chant assourdi, et aussi, je cite, d'un rêve de blancheur, de terre et de mer inviolée depuis la création. Je vous redonne les références. La baleine dans tous ses états de François Garde est parue chez Gallimard. Merci Clara Dupont-Monod. Et je rappelle que les références de vos livres, on peut les retrouver sur franceinter.fr, sur la page de l'émission. Vous avez désormais votre page. Oui, qu'il faut que je mette à jour. Oui, voilà. Vous allez la mettre à jour. Et vous pouvez lire les commentaires de nos auditeurs qui vous posent des questions sur les livres. Voilà. Voilà, vous dialoguez. Il n'y a pas beaucoup de commentaires pour l'instant, mais ça va écrivez venir. À Clara Dupont-Monod, elle aime ça. Je vous écrive, s'il vous plaît. Mais elle veut se délester de la lourdeur, parce qu'elle aime écrire et devenir un oiseau. Et faites attention aux drones, cela dit. On va aborder le troisième sujet avec Olivier de Benoît. Attention, un supermarché parisien affiche les photos des clients qui ont piqué des produits. C'est le mur des voleurs. Ça se passe à Carouf, celui qui est situé à deux pas du commissariat et du siège de l'UMP à Paris. Y a-t-il une atteinte au droit à l'image avec ce mur ? En tout cas, l'un des voleurs vient de passer aux aveux. Je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumer, sans c'est alcool. Clair. Je vole. Je vole. C'est jeudi. Et là, il a sa photo chez Carouf puisqu'il vend son disque, si je vous dis. Alors, c'est un sujet que vous avez traité ce matin, Alex Vizorek, à 6h55. Ça vous a inspiré un sujet paru dans Le Parisien aujourd'hui en France, hier, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas reçu les journaux. On les a lus en PDF. Et alors, c'est là qu'on s'est rendu compte que ça nous manquait, le papier, quand même. Moi, c'est vrai, vous avez raison. Ouais, c'est vrai. Achetez la presse. Aujourd'hui, profitez-en, parce que c'est gratuit, les versions PDF des journaux. Alors, on pouvait voir donc, les photos des voleurs qui sont affichées sur un mur dans un supermarché. Des photos qui sont prises par la vidéosurveillance, avec à chaque fois en dessous ce qui a été volé. Donc par exemple, vol de déo plus chocolat tablette 2014. Ah oui. Ou Vol de Chapon en 2013. Exactement. Voilà, exactement. Oui, Vol de Chapon, j'ai beaucoup aimé, moi. Vol de Chapon. C'était Noël. Le gérant du supermarché. Le gérant du supermarché dit on a mis 15 photos, mais on aurait pu en afficher 3000. Est-ce que ça vous choque, ça, Olivier de Benoît, ou pas? Non, mais c'est vrai qu'en général, dans les magasins, quoi, dans les salons de coiffure ou dans les bars, on met les photos avec les stars, quoi. Et donc, là, c'est étonnant, là, tout d'un coup. Des gens qui ont l'habitude d'être exposés. Non, mais moi, je trouve ça absolument anxiogène, en plus. Non, mais c'est absurde. Non, pour une fois, j'ai pas d'avis. Est-ce que les visages si sont vous venez de le donner, vous avez raison. Est-ce que les visages sont floutés ou pas? On voit pas très très bien, mais les silhouettes sont reconnaissables. Ouais. D'accord, ouais, on peut quand même voir qui c'est. Mais surtout, c'est complètement personne ne reconnaît personne. Quel est l'intérêt des tas de gens qui l'idée sont de dire dans les gens se reconnaissent, disent... non En fait, je pense. Moi, si j'ai ma photo à Carouf à l'entrée, je vais changer de crème. Moi, je vois la photo là. Je trouve que ça te va bien le blouson de cuir, Alex. C'est pas le chapeau. Regarde. C'est lui, c'est Déo. C'est une demande de Charline. D'après la police, le supermarché a le droit de faire ça. Le problème, c'est si ça se généralise. Est-ce que... Apparemment, légalement, ça n'était pas entièrement sûr que c'était possible. Vous avez étudié le sujet. Mais un tout petit peu, moi, je me suis dit, bon, après, les criminels, ils aiment toujours bien, souvent, ils disent, moi, j'aimerais bien faire entrer l'accusé. Mais pour un chapon, il ne va pas faire une spéciale, Ondelatte. Donc, voilà, il y a juste une petite photo, c'est un peu, c'est minable. C'est mais il y a l'absence de consentement de la personne concernée. Juridiquement parlant. Du chapon, ça serait quand même incroyable qu'il leur demande. Voilà. Je sens que le débat. Vous parlez d'illégalité. Le débat était très vif. Si on se base sur le débat était très vif. Et pourtant, je vous rappelle qu'Alex Vizorek réfléchit à la question depuis 6h55 ce matin. Et là, je pense qu'on a bien approfondi le débat. J'avais tout dit, moi, ce matin. Allez, dernière petite revue de presse à deux voix. Oui. What do you want? Yes. No problem. Needs a no queen. This is not a method. News au kilo. There is a bit more. Je vous le mets. Alex, vous avez tenu à axer cette revue de presse exclusivement sur des titres. Oui, 4 titres auxquels il ne faut pas ajouter grand-chose. Alors le premier vient du scan du Figaro. Affaire Leonarda, Jean-Vincent Placé admet avoir raconté n'importe quoi. Ah, c'est honnête. Oui, mais s'il pouvait s'en rendre compte sur le moment, ça arrangerait tout le monde. Bon, deuxième titre, toujours dans le scan et juste en dessous. Départemental, un candidat FN ne s'estime pas compétent pour cette responsabilité. Ah, donc le type dit qu'il voterait pas pour lui, quoi. Mais c'est honnête. Hein, oui, mais s'il pouvait s'en rendre compte au moment de se présenter, ça arrangerait tout le monde. Bon, passons au sport. Un article de la dernière heure. Di Maria, vendu par le Real Madrid. Di Maria, c'est un joueur de foot. Parce qu'il était trop laid. Mais ça, c'est honnête, Alex. Oui, mais ils auraient pu s'en rendre compte au moment où ils l'ont acheté. Il n'était pas plus beau. Ça aurait arrangé tout le monde. Ah oui. Et enfin, donc. Et enfin, Pôle emploi propose de devenir acteur ou actrice porno. Et ça, c'est vrai. Ils n'ont pas fait attention. Ils ont envoyé une annonce dans Art Dramatique, catégorie Art Dramatique. Art Dramatique. Exactement, peut-être Art Dramatique. Voilà, c'était pour faire un petit clin d'œil à notre invité de demain. Ah, et c'est qui demain? Alors, j'ai géré sans vous, c'est un producteur de films. Ah oui, mais c'est qui? Moi j'aime bien les films d'auteur, c'est surtout moi. Nous recevons à la place d'Olivier de Benoît, Grégory Dorcel, le fils de Marc. Mais alors, c'est quoi? Je l'ai booké, vous allez voir ça. Mais attendez. Si, c'est lui. Il produit quoi comme type de film? Mais il vous dira. Je vais m'occuper de la doc. Ne vous inquiétez pas. C'est des films d'auteur. Je veux dire, c'est de. Oui. C'est des films petit budget. Il n'y a pas beaucoup de costumes. Alex a tout vu. Je trouve que c'était important d'avoir la. Non, mais moi, si on peut inviter des jeunes producteurs, c'est bien. Mais c'est quelqu'un qui, en tout cas, c'est une industrie qui tourne bien. Donc d'accord. C'est chouette d'avoir son avis sur l'actu. Je suis ravie de l'avoir invité. On verra. Soyez là demain. Je pense qu'on va rire. On va essayer. On va essayer d'être classe. Merci Olivier de Benoît d'être resté avec nous. J'espère que ça vous a pas paru trop long. Ah non, trop court. Pas aussi long que le 8 mars, le jour le plus long à l'occasion de la journée de la femme. Évidemment, vous serez au Cirque d'hiver, notamment avec Frédéric Fromet. Et puis votre spectacle Fournisseur d'excès sera en tournée jusqu'au 22 mai. Notamment en fait, fin de l'année en fait, fin 2015, fin 2015, mince, c'est pas grave. Ah oui, c'est juste. Et cela dit, on se retrouve demain avec Grégory Dorcel, le mot de la fin pour nous réconcilier avec la rigueur allemande. On n'appréciait pas beaucoup la compagnie des Allemands, madame. Laissez-moi encore une heure pour vous convaincre que nous sommes des gens tout à fait civilisés.